بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبينفني أفو شغوديتور شغوديتريس سور لزوند دو راديو ميرات الأنبياء. Et que Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui sont à l'origine de cette radio Salafi. Et nous sommes dans la 9e assise, c'est la 9e assise autour de l'étude des fondements et des particularités des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, du cours extrait des livres de Cheikh Rabi' bin Hadi Umar al-Madkhali. Que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et allons sa vie dans son obéissance. Et donc, fait partie des fondements des grands fondements et des particularités des gens de la Sunna et des Salafis, c'est que, avec lesquels ils se différencient des gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion. Et c'est une particularité qui prouve leur grand attachement et leur grand respect de la religion d'Allah, et qui prouve aussi leur soumission totale aux preuves de la législation, et à leur soumission aux preuves de la législation, et ceci se voit dans le fait qu'ils s'arrêtent là où les arrêtent les textes, et ils ne les dépassent pas. Et dans la confirmation de ce sens salafi, le porteur de l'étendard de la réfutation et de l'éloge, Cheikh Rabi' Hafidhahullah, يقول الفرق بين أهل السنة وأهل البدع، فأهل البدعة إذا سمعوا نصا إما أن يردوه علانية هكذا ويدفعوه، وإما أن يتحايلوا عليه فيتأولونه. أما أهل السنة فبعكس ذلك وبخلاف ذلك، فإنهم يقبلون هذا النص ويسلمون به ويعتقدون ما دل عليه بخلاف أهل البدع. Il a dit dans ce sens, rahmatullah, hafidahullah, la différence qu'il y a entre les gens de la Sunna et ceux des gens de l'innovation, c'est que les gens de l'innovation, quand ils entendent un texte, soit ils vont le refuter, le rejeter directement et sans manière, et ils vont le repousser, soit ils vont ruser, et ils vont déformer son interprétation, et déformer son sens. Quant aux gens de la Sunna, ils sont le contraire de tout ça. Les gens de la Sunna acceptent les textes, ils se soumettent aux textes, ils croient à ce qui est prouvé par ces textes, contrairement aux gens de l'innovation. يقول حفظه الله فلا تأويل عند أهل السنة ولا رد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل يؤمنون به ويسلمون به تسليما دون أي حرج، فهذا منهج أهل السنة والجماعة وذاك مذهب أهل البدع والضلال. قال الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, donc les gens de la Sunna ne font pas de fausses interprétations au texte, ni ils rejettent le texte, Ah, les textes qui ont été ramenés du messager alayhi salatu wassalam et qui sont établis qu'ils ne viennent du messager alayhi salatu wassalam, ils croient en ces textes. Ils se soumettent à ces textes d'une soumission complète, sans aucune gêne. Ça, c'est la voix des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et le rejet et donner des fausses significations au texte, ça, c'est la voix des gens de l'innovation et de l'égarement. Zuhri rahimahullah a dit, le message ne vient d'Allah, le messager l'a transmis et nous, nous devons nous soumettre. Le message est venu d'Allah, le messager l'a transmis et nous, nous devons nous soumettre. يقول الشيخ ربيع وهو رحمه الله أي الزهري يشير إلى معنى الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Et الشيخ ربيع de dire que الزهري رحمه الله fait allusion à la signification du verset qui dit dans cette traduction approximative ceci, par ton souverain ils ne croiront jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans tout litige qu'il y a entre eux, et après, quand tu auras tranché, qu'ils trouvent rien à dire, et qu'ils aient pas de gêne, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Donc, ils aient pas de gêne, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, qala qadima Uyaynatu ibn Hisn ibn Hudayfa, fanazala ala ibn Akhihi al-Hur ibn Qais, وكان النفر الذين يدين وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه قال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله هدأ غضبه ذهبت عنه صورة الغضب وعفى عن هذا الإنسان كما أمره الله تبارك وتعالى إيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه Warda. Donc ce qu'on rapporte ici, Cheikh Rabi' a dit que Uyayna ibn Hisn ibn Hudayfa est venu chez c'est le fils de son frère Al-Hur ibn Qais. Al-Hur ibn Qais faisait partie de ceux qui étaient proches de Omar ibn Khattab. Et les hommes de science étaient les hommes de l'assise de Omar ibn Khattab, qu'ils soient vieux ou qu'ils soient jeunes, c'est avec eux qu'ils se concertaient, radiyallahu anhu wa arda. Uyayna a dit au fils de son frère, Al-Hur ibn Qais, au fils de mon frère, tu es proche de ces princes, demande l'autorisation que je puisse rentrer, le voir. Et Hur ibn Qais a demandé l'autorisation. Ibn Abbas a dit que Uyayna a demandé, Hur a demandé l'autorisation pour Uyayna et Omar ibn Khattab lui a donné, lui a permis de le ramener à l'assise. Et quand Uyayna ibn Hisn ibn Hudayfa est rentré chez Omar, il lui a dit, hey, Ibn al-Khattab, par Allah, tu ne nous donnes pas beaucoup et tu ne juges pas entre nous avec justice. Omar s'est mis en colère. Il a failli le prendre. Et Al-Hur ibn Qais lui a dit au prince des croyants, Allah a dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, dans cette traduction approximative du sens du verset, sois indulgent, ordonne le bien et évite les ignorants. Et celui-là, il fait partie des ignorants. Et il dit, Wallah, Abdallah ibn Abbas, de dire, par Allah, Omar ibn Khattab n'a pas dépassé. Quand il a entendu ce verset, il s'est arrêté. Il était un homme qui s'arrêtait devant le livre d'Allah et devant la parole d'Allah. Ainsi, dit Cheikh Rabi, sa colère a été anéantie, partie. Et il a pardonné à cet homme comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Il dit le Cheikh Rabi, الشاهد من هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما يشهد لعمر أنه كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. عمر كان محدثا، كان فقيها إماما، لكن قد يجتهد فيخطئ، وإذا نبهه أحد رجع. وقاف عند كتاب الله. Et le témoignage ici, c'est qu'Abdullah ibn Abbas atteste que Omar, radiallahu anhu majma'in, était quelqu'un qui s'arrêtait devant les textes du livre. Omar était un muhaddith, était un faqih, était un gouverneur aussi, mais il était un imam et il peut faire des efforts d'interprétation et commettre une erreur. Mais quand on attire son intention, il revient et il s'arrête. Il ne dépasse pas la parole d'Allah. وَلَهُ قِصَّةٌ أُخْرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو وَائِلْ جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَ يعني الحجبي كانت مفاتيح الكعبة عنده ولا تزال عند بني شيبة في الجاهلية والإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم مفاتيح الكعبة. قال أبو وائل جلست إلى شيبة في هذا المسجد. قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا. فقال هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لم يفعله صاحباك. قال هما المرآن يقتدى بهما. وقف رضي الله عنه وارضاه. Et il a une autre histoire. Omar ibn Khattab, Abu Wa'il, a dit, je me suis assis avec Shayba, qui était celui qui avait les clés de la Mecque. Banu Shayba, pendant la période pré-islamique, ils avaient les clés de la Mecque. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a laissé les clés, il leur a laissé les clés. Et donc, ils avaient les clés pendant la période pré-islamique et aussi durant l'islam. Abu Wa'il a dit, je me suis assis à Shayba dans cette mosquée, ça veut dire à la Mecque. Et il lui a dit, c'est-à-dire Shayba, il lui a dit, Omar est assis à la même place où tu es assis. Et Omar a dit, j'ai failli ne rien laisser comme or et comme argent ici, c'est-à-dire dans la Mecque. J'ai failli rien laisser, que j'ai failli tout partager entre les musulmans. Shayba lui a dit, tu ne pourras pas le faire. Tu ne le feras pas. Omar ibn Khattab lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que tes deux compagnons ne l'ont pas fait, c'est-à-dire le messager Abu Bakr. Omar ibn Khattab s'est arrêté là et il a dit, ce sont des hommes à prendre comme exemple. يقول الشيخ ربيع الأمثلة كثيرة في حياة عمر في وقوفه عند كتاب الله وعند سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الآن هل نحن وقافون عند كتاب الله؟ كان الصحابة كلهم وقافون عند كتاب الله، وكان السلف الصالح كلهم وقافون عند كتاب الله، والذي يخطئ يرجع، والذي يذنب يتوب، لأنهم أناس استسلموا لله. الشيخ ربيع دو دير les exemples sont nombreux dans la vie de Omar ibn Khattab où il s'est arrêté et il n'a pas dépassé la parole d'Allah et la sunna du prophète. Ils disent que maintenant, nous, on s'arrête devant les textes, devant le livre d'Allah et les textes de la parole d'Allah. Et il dit, Havidallah, les nobles compagnons, tous, ne dépassez pas le livre d'Allah. Il dit, les pieux prédisseurs, Ridwanullah alayhim, tous, ne dépassez pas le livre d'Allah. Et celui qui commettait une erreur parmi eux, il revient. Et celui qui tombe dans un péché, il se repent. Car c'était des gens qui se sont soumis à Allah. Et parmi les choses et les situations qui prouvent la soumission des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna au texte et la grande place qu'ils donnaient au texte et qu'ils ne dépassaient pas les textes, ce qu'ils ont fondé, ce qu'ils ont instauré comme fondement à ce niveau-là. Parmi leurs paroles, l'ijtihad ma'a an-nass. Il n'y a pas d'effort d'interprétation avec le texte. Cheikh Rabi nous a montré ceci clairement quand, dans ses répliques qu'il a fait à Abou al-Hassan al-Ma'ribi l'égaré. يقول الشيخ ربيع أبو الحسن يدعي أنه وأهل السنة من أصحاب الدليل ولا يقبلون الدليل ثم تراه في قضايا الخلاف يخالف الأدلة والأصول الإسلامية مثل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ومثل قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ومثل الأصول المعروفة في هذا الباب كقول العلماء لا اجتهاد مع وجود النص تعظيما للنصوص القرآنية والنبوية. الشيخ ربيع يدير كأبو الحسن prétend que lui et les gens de la sunna, ce sont des gens de l'épreuve. Ce sont des gens qui prennent l'épreuve et les argumentations qu'ils mettent en application. Alors qu'en réalité, ils n'acceptent pas l'épreuve et les argumentations. Il dit, tu vois que Abou al-Hassan, dont du sujet dans lequel il y a la place à la divergence, a été en divergence avec l'épreuve et avec les fondements islamiques. Il a été en divergence avec le verset suivant du Cheikh Rabi. Le verset nous dit ceci dans sa traduction approximative. Si vous êtes en divergence sur quoi que ce soit, ramenez-le vers Allah, c'est-à-dire vers le livre d'Allah, et vers le messager, c'est-à-dire vers sa sunna après sa mort. Si vous croyez en Allah et en le-delà, c'est la meilleure des interprétations que vous allez en faire. Et aussi, la parole... Ah, le verset qui nous dit ceci dans sa traduction approximative nous dit ceci, et si vous avez une divergence sur quoi que ce soit, son jugement appartient à Allah. Allah, c'est mon souverain, c'est en lui que j'ai mis ma confiance et vers lui que je reviens. Cheikh Rabi' de dire, l'exemple de ces fondements sont connus à ce niveau chez les hommes de science. Il dit, l'exemple de ces fondements sont connus chez les hommes de science, comme il n'y a pas d'effort d'interprétation en présence d'un texte. Tout ceci par respect qu'il donne au texte du Coran et au texte de la Sunna. Et dans un autre passage, Cheikh Rabi, il dit, concernant Abou al-Hassan, ولا ندري من هم أهل السنة عنده ولعله يريد بهم أتباعه الذين وصفهم بأنهم يسيرون على أصول علمية وعندهم إدراك للمصالح والمفاسد والحال والمآل أي أن هؤلاء العوام المتعلقين بمنهجه الفاسد قد وصلوا إلى مراتب الأئمة الكبار الذين يدركون المصالح والمفاسد. Et dans un autre passage, Cheikh Rabi' il dit, je ne sais pas qui sont les gens de la sunna pour Abou al-Hassan. Peut-être qu'il veut dire par là les disciples qui le suivent. Et que Abou al-Hassan a décrit ainsi comme quoi ils sont sur des fondements scientifiques. Et comme quoi ils captent le bien et le mal, le masalih ou le mafasid. Et comme quoi il capte la fin des situations et vers où on y arrive. Il Cheikh Rabir de dire c'est awam, ces gens de la masse qui sont attachés à sa mauvaise voie, il les a mis à ce degré, au degré des grands hommes de science, qui eux connaissent le masalih ou le mafasid, le bien et le mal. Et fait partie aussi des fondements et des particularités des salafis avec lesquels ils se différencient des gens du faux. Et ces fondements prouvent leur grand attachement et la grande importance qu'ils donnent à la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'ils ne divergent pas volontairement avec les textes. Ils ne divergent pas volontairement avec le livre et la sunna, contrairement aux gens de l'innovation et à ceux qui suivent leur passion. Et ici, je vais vous lire un passage qui est très important, qui va nous aider dans ça, dans ce qu'a écrit Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, où il explique pourquoi les savants divergent. رفع الملام عن الأئمة الأعلام إلى ستة رحمه الله ceci dans l'introduction de son de cette رسالة رفع الملام. Il dit رحمه الله aucun savant reconnu par la communauté de manière générale n'enfreint délibérément quoi que ce soit de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit important ou petit. En effet, les savants reconnaissent unanimement qu'il est obligatoire de suivre le messager, alayhi salatu wassalam. Il dit, rahmatullah alayhi, ainsi on peut faire une sélection dans les propos des gens, prendre leur dire ou les délaisser, à l'exception de ceux du messager, alayhi salatu wassalam. Toutefois, si un savant émet un avis allant à l'encontre d'un hadith authentique, il a forcément une excuse valable. C'est-à-dire un savant parmi les savants dignes de la sunna. Il a forcément une excuse valable. Ces excuses peuvent être classées en trois catégories. Et de ces trois catégories, découlent toutes d'autres choses. D'autres excuses. Premièrement, c'est que le savant pense que ses propos ne remontent pas au prophète alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, il pense que ses propos prophétiques ne s'appliquent pas à la question qu'il a traitée. Troisièmement, il pense que le jugement émis par ce hadith a été abrogé. Ça, ce sont les trois causes qui font, les trois grandes causes qui font que les hommes de science dignes de la voie peuvent être une divergence, peuvent tomber dans une divergence avec les textes. Et de ces trois causes, on découle beaucoup d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le temps un jour de pouvoir faire la traduction de cette risala d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et dans la confirmation de ce sens, de ce fondement salafi et de ce noble fondement salafi, l'imam Rabi' il dit en répliquant aux ambiguïtés du divin Muhammad Sidqi, les ambiguïtés qu'il a émis autour de la sunna. Qawluhu inna a'immat al-muslimin lam yattafiqu 'ala as-sahih minha wa minhum min ahadin illa khalafa fi madhhabihi katiran minha. Cette parole très grave qui est une ambiguïté en soi à laquelle réplique Cheikh Rabi', c'est que ce Sidqi, Muhammad Sidqi, qui est un égyptien contemporain, dit que les imams, c'est-à-dire que les hommes de science des musulmans et les grands imams, n'ont pas été unanimes sur l'authentique de la sunna. Et que chaque imam a été en divergence avec beaucoup de hadiths authentiques de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam dans la voie qu'il a pris. Yaqulu Cheikh Rabi' wal jawabu ala hadi min wujuh. أولا أن علماء الإسلام على رأسهم أئمة الفقه والحديث متفقون على تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الأخذ بها في دينهم ودنياهم وأنها الأصل الثاني مع كتاب الله وعلى أنها حجة في دين الله وأصوله وفروعه وعلى أنها حجة في دين الله أصوله وفروعه. Et la réplique, la réponse de Cheikh Rabi, il dit, la réponse se fera par plusieurs points. Premièrement, c'est que les hommes de science de l'islam et à leur tête les grands imams de la jurisprudence et du hadith sont unanimes sur le fait qu'il faut donner l'importance à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il est obligatoire de la prendre comme religion et de l'utiliser aussi dans leur religion et dans leur bas-monde. Et que c'est le deuxième fondement avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est une preuve, la sunna est une preuve dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les fondements de cette religion ou les branches de cette religion. يقول الأمر الثاني أنه ما من إمام إلا حتى أتبعه على التمسك بالكتاب والسنة ودعاهم إلى ترك أقواله إذا خالفت الكتاب والسنة وقد سبق أن ذكرنا أقوالهم في هذا الشأن ومن ذلك قول الإمام الشافعي المشهور عند أصحابه وغيرهم إذا صح الحديث فهو مذهبي وقوله إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط وقد خالف أصحابه قوله التي خالفت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عندهم من حديثه صلى الله عليه وسلم. Et le deuxième point, c'est que tous les imams ont incité et orienté leurs disciples à se cramponner au livre et à la sunna. Et ils ont demandé à leurs disciples de délaisser toute parole, de délaisser leurs paroles quand leurs paroles est en divergence avec le livre et la sunna. Et il a dit, auparavant, nous avons cité certaines de leurs paroles concernant à ce niveau-là. Il dit, fait partie de ça, les paroles de l'imam Shafi'i, ces paroles réputées et connues par ses disciples et ses compagnons et d'autres. Il dit, quand le hadith est authentique, c'est ma voix. Et la parole de l'imam Shafi'i, quand ma parole est en divergence avec la parole du messager alayhi salatu wassalam, prenez ma parole, mettez-la en application. Prenez la parole du messager alayhi salatu wassalam et plaquez ma parole contre le mur. Beaucoup de compagnons de l'imam Shafi'i, de ses disciples, de ses élèves, ont été en divergence avec des positions de l'imam Shafi'i, des positions ou des paroles ou des opinions dans lesquelles étaient en divergence avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. ونصائح أبي حنيفة رحمه الله لأصحابه في الأخذ بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بأقوال الصحابة معروف. ومن هنا خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن في ثلثي أو ثلثي المذهب، وما ذلك منهما إلا اتباعا للحق وتقديما منهما لما صح لهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي واجتهاد شيخهما. Et aussi les conseils d'Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, les conseils qu'il a prodigués à ses élèves et à ses compagnons. Ces conseils sont qu'il doit prendre la parole d'Allah et la parole du messager alayhi salatu wassalam, et de prendre aussi les paroles des nobles compagnons ridwanullah alayhim. Et partant de là, ces deux nobles compagnons, ces deux grands compagnons, Abu Yusuf et Muhammad ibn al-Hassan, ont été en divergence avec leur cheikh Abu Hanifa dans le tiers ou les deux tiers de la voie. Tout ceci pourquoi? Parce qu'ils suivent la vérité, ils mettent la vérité avant la parole de leur cheikh, et tout ce qui est authentique du messager alayhi salatu wassalam, ils le mettent en avant par rapport à l'opinion et aux efforts d'interprétation de Abu Hanifa qui était leur maître et leur prof. Talitan, أن ما يحصل من بعضهم من مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من المنطلق الذي يرجف به أعداء السنة، حاشاهم من ذلك، فهم يعظمون السنة ويؤمنون بها وأنها حجة من حجج الله على عباده، ولا يقع لأحد منهم مخالفة لحديث ثابت لا لعذر من الأعذار الشرعية التي يعذره الله بها. Et il dit le troisième point, ce qui est arrivé, ou ce qui arrive à certains, comme divergence avec le hadith du messager, alayhi salam, ces divergences n'émanent pas du fait qu'ils ne donnent pas l'importance à la sunna. Abadan. Ils n'émanent pas de la façon de faire des ennemis de la sunna qui ne donnent pas l'importance à la sunna. Mais ces imams qui tombent en divergence avec le hadith du prophète alayhi salam donnent l'importance à la sunna. Ils croient en l'argumentation de la sunna et que la sunna fait partie des preuves d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs. Et quand ils sont en divergence avec un des hadiths du prophète alayhi salam, un hadith établi, c'est pour une excuse parmi les excuses légiférées avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala et il va leur pardonner, avec laquelle ils sont excusés devant Allah subhanahu wa ta'ala. يقول وذلك مثل أن تأتيه حادثة لم يكن قد بلغه فيها نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتهد فيها فيخالف نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ غيره من أئمة الإسلام وصح عندهم فقالوا به ودانوا الله به. Il dit et fait partie des choses et des poids avec lesquels ces imams et ces hommes de science sont excusés chez Allah Azza wa Jal, c'est que ces imams vont se trouver devant un événement ou devant une situation sur laquelle ils n'ont aucun texte entre les mains. Ils n'ont pas de preuve ni du livre ni de la sunna. Ils font un effort d'interprétation et ils tombent en divergence avec le texte venant du messager alayhi salam qui a été que d'autres imams ont eu sur la main. D'autres imams l'ont eu sur la main, il a été authentique pour eux et ils l'ont mis en application. Et ceux-là qui sont tombés en divergence ne l'ont pas eu sur la main. Taniyan, ou yakuna qad balagahu an-nas lakin 'inda fatwahu aw tadwinihi nasiyahu fay'adhuruhu Allah fi dhalika wa yutibuhu 'ala shihadihi. Qala ta'ala تعليما للمؤمنين أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ثم قال الله كما في الحديث القدسي قد فعلت وقد وقعت فتاوى من بعض العلماء مخالفة لنصوص من القرآن والسنة لا تعمدا منهم وإنما هو لعذر من الأعذار التي يعذرهم الله بها ومنها ما ذكرناه كالنسيان أو عدم بلوغ النص ويحصل مثل ذلك الأئمة الكبار للأسباب بنفسها التي يعذرهم الله بها. Et il dit حفظه الله تعالى deuxièmement, et aussi ça se peut que le texte il l'a eu entre les mains et il a eu connaissance du texte. Mais au moment d'émettre son verdict, sa fatwa, au moment d'écrire, il l'a oublié. Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'excuser et il va le récompenser pour son effort d'interprétation parce qu'il en est digne, parce qu'il fait partie de ceux qui sont dignes de mettre l'effort d'interprétation. Et il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala enseigne aux croyants de dire, dans cette traduction approximative du sens du verset, Seigneur, ne tient pas rigueur de nos omissions et de nos erreurs. Et il a dit, Azza wa Jal, dans le hadith Qudsi, j'ai fait. Et Cheikh Rabbi a dû dire, il y a eu certains verdicts et certains fatwas de certains hommes de science qui sont en divergence avec le Coran et la Sunna, mais involontairement de la part de ces hommes de science. Pour une excuse parmi les excuses avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il va les excuser. Et fait partie de ces excuses ce que nous avons cité comme l'oubli ou comme le fait que le texte n'a, ils l'ont pas eu entre les mains, ils n'ont pas eu connaissance de ce texte. Et ceci arrive aux grands imams, aux grands hommes de science, avec ces mêmes causes avec lesquelles ils vont être excusés devant Allah. ومن ادعى عليه مع على أحدهم تعمد المخالفة لما صحها الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد افترى عليهم افتراء عظيما. ومن زعم لأحد منهم أنه قد أحاط علما بما صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غلا فيه وقال الباطل. Et il dit, حفظه الله, celui qui prétend qu'un des imams ou des grands hommes de science ou des hommes de science vont volontairement agir et émettre des fatwas qui sont en divergence avec ce qui a été établi de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, celui-là, il a émis un grand mensonge et un énorme mensonge les concernant. Et celui qui prétend que l'un des hommes de science cerne et il a eu la connaissance de tout ce qui a été établi du messager alayhi salatu wassalam comme authentique, celui-là, il a dit le faux, il a été à l'extrême concernant cet homme de science. Yaqul wal hasilu أننا نجزم أن علماء الإسلام مشهود لهم بالعلم والورع والتقوى وقدم الصدق في الإسلام لا يتعمدون مخالفة أو رد الأحاديث الثابتة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كيف وهم يوصون برد أقوالهم إذا خالفت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, et en résumé, nous avons la conviction irréfutable que les hommes de science, à qui ont reconnu la science, la piété et le bel agir dans l'islam, ne vont pas volontairement tomber en divergence ou rejeter les hadiths établis de leur prophète alayhi salatu wassalam. Comment ils peuvent agir ainsi alors qu'ils conseillent de rejeter leurs paroles quand ils sont en divergence avec ce qui a été établi authentique du messager alayhi salatu wassalam. كيف وبعضهم يحتج بالمرسل والضعيف احيانا كيف يتصور مسلم في احد منهم انه يرد الاحاديث الصحيحه او يخالفها عمدا. Comment ça peut arriver alors que certains parmi eux prennent comme argumentation le hadith mursal ou même le hadith faible des fois? Comment un musulman peut imaginer que ces grands imams peuvent rejeter un hadith authentique ou tomber volontairement, chercher volontairement à être en divergence avec un hadith authentique? Le hadith mursal, c'est le hadith. Littéralement, ça veut dire l'expédié. La signification technique du hadith mursal, il désigne le hadith dont un rapporteur a été perdu en fin de chaîne. Ce rapporteur se situe en amont, après le tabi'i. C'est comme si le tabi'i enlève le compagnon et il dit le messager a dit. Et le mursal est considéré par les savants comme une variété de hadith faible. Et il y a certaines conditions pour qu'il soit mis en application. Ça, c'est le hadith mursal. Ou yakoun fil mas'alati hadithan ahaduhuma nasikhun wal akharu mansukh fayablughu ahaduhum al mansukh duna nasikhih fayakhudhu bima balaghahu wa يبلغ عالما آخر ناسخ فيأخذ به ويبلغ ثالثا الناسخ والمنسوخ فيقدم الناسخ على المنسوخ. Ou alors, dans le point ou dans le sujet traité, il y a deux hadiths. Un qui est abrogeant et l'autre qui est abrogé. Et l'un des hommes de science, il a eu entre les mains, il n'a connu que le hadith abrogé. Et il n'a pas connu l'abrogeant. Et donc, il met en application le hadith qu'il a sous la main. Un autre homme de science va avoir connaissance du hadith abrogeant. Il va le prendre, il va le mettre en application. Un troisième homme de science, il aura le hadith abrogé et abrogeant, et il va mettre en appoint le hadith abrogeant. Ou alors, أو يكون في الباب أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة أو أحاديث عامة وأخرى تخصصها، فيبلغ بعضهم العامة دون المخصصات أو المطلقات دون المقيدات، فيعمل ويفتي بما بلغه ويعذره الله لذلك، ويبلغ غيره العامة والخاصة والمطلقة والمقيدة، فيحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. إيه aussi à ce niveau-là, au niveau des hadiths, il peut y avoir dans le sujet à traiter des hadiths qui sont dont le sens est absolu et d'autres hadiths dont le sens est restreint. Il peut y avoir aussi des hadiths généraux et d'autres hadiths qui viennent spécifier le sens général de ces hadiths. Certains nombres de sciences vont avoir connaissance des hadiths généraux qui ont un sens général, sans avoir les hadiths qui font la spécification. Ou ils vont avoir des hadiths qui portent un sens absolu, sans avoir les hadiths qui viennent les restreindre. Et donc, ils vont mettre en application et émettre des verdicts selon ce qui leur a été transmis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et devant Allah, ils sont excusés avec ça. Certains vont avoir connaissance du hadith dans le sens général et aussi le hadith qui ont fait la spécificité. Il va avoir la connaissance du hadith dans le sens absolu et ceux qui viennent le restreindre. Et dans ces cas-là, il va, le âme, il va l'utiliser avec le khas qui viendra faire la spécification. Et l'absolu, il va l'utiliser avec le hadith qui porte les restrictions à faire dans cet absolu. Et je vous donne un exemple, par exemple. Dans le verset, il est dit « Hurrimat alaykumul maytatu wad-dam ». Il est dit dans ce verset qu'il vous a été interdit les cadavres et le sang. Donc, c'est un texte qui est général. Tout cadavre dans ces cas-là nous est interdit. Le cadavre des poissons, le cadavre des ânes, le cadavre des animaux, le cadavre des vaches, des moutons, des oiseaux et ainsi de suite. La même chose pour le sang. Tous les sangs ne sont interdits. Maintenant, on a un texte qui va venir spécifier certains éléments, certains individus. Dont il vous est interdit les cadavres, il y a le texte, le messager d'Allah Azza wa Jal a dit, il nous a été rendu le site de mort, à savoir le poisson et les sauterelles. Donc ces individus vont être restreints de ce texte général, le poisson et les sauterelles. Il en est de même pour le sang. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il nous est laissé deux sangs, la rate et le foie. Donc ce sang général de l'interdiction du sang, il y a un texte qui est venu en prendre deux éléments. Et ainsi de suite. Et revenons aux paroles du Cheikh Rabi Hafidhahullah. وَقَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْأُصُولِ فَيُقَدِّمْ بَعْضُهُمْ الْعَامِ عَلَى الْخَاسِ وَالْمُطْلَقْ عَلَى الْمُقَيِّدِ وَقَدْ إِسْتَوْفَى شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْأَعْذَارِ الْأَئِمَّةِ الَّتِي يَعْذُرُهُمُ اللَّهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ الْقَيِّمِ رَفْعُ الْمَلَامِ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ فَأَوْصَلَهَا إِلَى عَشَرَةِ أَسْبَابٍ. Et aussi les hommes de science peuvent être en divergence peuvent avoir des divergences entre eux concernant les fondements. Certains vont mettre en avant le général par rapport au spécifique. D'autres vont mettre en avant l'absolu par rapport au texte qui va venir le restreindre. Et vice-versa. Et Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, a écrit cette lettre à Raf' al-Malam, anil a'immati al-A'lam, dans lequel il montre comment et pourquoi les hommes de science divergent, et il a ramené les causes à 10 points. Regardez, je vous donne un exemple pour que vous voyez comment ils peuvent, des fois, la divergence de où il est. Par exemple, vous voyez que, on voit que chez les Malikites, on ne fait pas de prière Tahiyyat al-Masjid en rentrant à la mosquée entre le Maghreb et l'Asr. Alors que le hadith, il dit, celui qui rentre à la mosquée, doit faire d'orkat. Mais il y a un hadith, dans lequel il est stipulé, le hadith de Uqba ibn Amr, il rapporte que le messager alayhi salatu salam nous a interdit de faire la prière d'enterrer nos morts à ces trois moments de la journée. Quand le soleil commence à poindre, jusqu'à ce qu'il ait clairement dépassé l'horizon, du midi jusqu'à ce que le soleil ne soit plus au zénith, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il dévie vers l'ouest un petit peu, et de son déclin, c'est-à-dire à son cocher, jusqu'à son passage derrière l'horizon, jusqu'à ce qu'il soit complètement accouché. Donc, c'est un texte que certains vont prendre comme un texte général. D'autres vont le prendre comme spécifique. Et donc, ce texte, il est général, c'est les Malikites, par exemple, ici au Maroc. Et c'est pour ça que ce texte, pour eux, il est spécifique. Et le général, pour eux, c'est quand quelqu'un parmi vous rentre à la mosquée, qu'il ne fasse pas d'orkat, qu'il fasse d'orkat. Donc ici, eux vont utiliser le texte de l'interdiction pour ne pas faire les d'orkat entre le Maghreb et l'Isha, entre le Maghreb et l'Asr. D'autres vont utiliser le contraire. Et d'où arrivent les divergences. Et ceci est un chapitre qui est énorme. Revenons aux paroles de l'imam Cheikh Rabi Hafidhahullah. وقال حفظه الله في سياق صده لعدوان الغزالي المصري المتطاول على السنة وأهلها وهل من الأدب مع الله ورسوله ومع السنة النبوية الطاهرة أن تقول وتكتر هذا حديث مرفوض وقد رفض هذا الحديث فلان وركام الأحاديث والأخبار التافهة وقشور وما من إمام من الأئمة الأربعة إلا وقد رفض أحاديث صحيحة فهل في هذه الأساليب دعوة إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترام سنته أم هو حرب على السنة تحت ستار الدفاع عن الأئمة والأئمة براء غاية البراءة من هذا التشويه على السنة وأهلها بل هم أئمة المسلمين في احترام السنة وحبها والدعوة إليها والاحتجاج بها في العقائد والعبادات والحلال والحرام بل يحتج أكثرهم بالمراسيل وعند الحاجة بالأحاديث الضعيفة في العمليات ويقدمونها على الرأي والقياس ويأمرون أتباعهم بترك أقوالهم إذا خالفت نصا من كتاب الله أو نصا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الإمام أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا قلت قولا يخالف كتاب الله عز وجل أو خبرا لرسوله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي إيه الذي حفظه الله الله سبحانه وتعالى بخزاف الشيخ ربيع دون لو كونتكست والغيبليك aux attaques de l'Ghazali, l'Égyptien, qui attaque la Sunna et les gens de la Sunna, et lui dit, est-ce que ceci fait partie du comportement avec Allah et son messager, avec la Sunna, la noble et la pure Sunna prophétique, que tu dises, et que tu le dises beaucoup, ceci est un hadith refusé, tel a refusé ce hadith, ce tas de hadith, ces akhbar futiles, ces épléchures, tous les imams parmi les grands imams ont refusé des hadiths authentiques. Chaque imam parmi les imams des écoles, des quatre écoles, ont refusé des hadiths authentiques. Et cherche de lui poser la question, est-ce que ça fait partie des styles de la da'wa pour appeler vers le fait de suivre le messager alayhi salam et vers le respect de sa sunna, ou alors c'est la guerre contre la sunna derrière le voile, derrière le fait de défendre les imams. Alors que les imams sont innocents, d'une grande innocence, sont innocents du fait de créer les séditions contre la sunna et ses disciples. Les imams, ce sont de grands hommes de science et des imams du musulman dans le respect de la sunna et dans l'amour de la sunna et dans le fait d'appeler vers la sunna et dans le fait de prendre comme argumentation la sunna, que ce soit dans les croyances, dans les adorations, en ce qui concerne le licite, l'illicite. Certains parmi eux, vont utiliser le hadith mursal en cas de besoin, ou certains hadiths da'if concernant les actes. Ils vont mettre le mursal et da'if, ils vont le mettre en avant de l'analogie et de l'opinion. Et ils ordonnent à leurs disciples de délaisser leurs paroles contre leurs paroles, étant en divergence avec le livre d'Allah ou avec un texte de la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Voici l'imam Abu Hanifa qui dit, quand le hadith est authentique, c'est ma voix. Et voici quand il a dit aussi, quand je dis une parole qui est en divergence avec le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, délaissez ma parole. وقال الإمام مالك رحمه الله إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. Et voici l'imam Malik رحمه الله qui dit, je ne suis qu'un être humain, je commets des erreurs et des fois, et je l'ai dans le mille aussi. Regardez dans mon opinion, tout ce qui est conforme au livre et à la sunna, prenez-le. Et tout ce qui n'est pas conforme, délaissez-le. Imam, wa qala al-imam al-Shafi'i rahimahullah, ma min ahadin illa wa tadhabu alayhi sunnatun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'zubu anhu. Famahma qultu min qawlin, au assaltu min aslin, fihi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khilafa ma qultu fal qawlu ma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa qawli, wa qala idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi. Et donc, l'imam Shafi'i a dit, tout un chacun, c'est-à-dire tout homme de science, il a dit, tout homme de science, il a dit sunna qu'il ne connaît pas. Il dit, peu importe ce que je dis comme parole, et peu importe ce que j'instaure comme fondement, si ce que je dis, ce que j'ai instauré comme fondement est en divergence avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, la parole revient au messager alayhi salatu wassalam, et c'est ma parole. Et il dit, quand le hadith est authentique, c'est ma voix. ويقول الإمام أحمد أنتم أعلموا بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. Et l'imam Shafi'i a dit à l'imam Ahmed, vous connaissez le hadith mieux et les hommes mieux que moi. Quand le hadith est authentique, annoncez-le moi, qu'il vienne de Koufa ou de Basra ou du Sham, je vais aller le chercher s'il est authentique. Wa yaqul, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam 'inda ahli an-naql بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. الإمام الشافعي a dit aussi, tout sujet sur lequel il y a eu l'établissement d'un hadith authentique du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est les hommes de science, et que ce que j'ai dit est en divergence avec ce hadith authentique, moi je reviens là-dessus durant ma vie après ma mort. C'est-à-dire, ici ne sont des positions qu'il a eu, même après sa mort, avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. وَيَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُونِ أَقُولُ قَوْلًا وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَهُ فَاعْلَمُوا أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَالِهِ الْمُعَظَّمَةِ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيُّ احْتِرَامٍ لِلسُّنَّةِ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا. Et il dit aussi, l'imam Shafi'i, Comme vous voyez que je dis une parole, alors qu'il a une parole, que j'ai dit une parole et que il a été rapporté, établi une autre parole authentique du messager, alayhi salatu wassalam, qui était en divergence avec ce que je dis, sachez que ma raison est perdue, que j'ai perdu la raison. Ça, ce sont les paroles de l'imam Shafi'i. Regardez comment il donne l'importance à la sunna. Comment il respecte la sunna. Est-ce qu'il y a un respect plus que ça? قال الشيخ ربيع حفظه الله الواجب المحتم على الأمة أن تتبع الكتاب والسنة وأنه لا يجوز لأحد أن يتعمد مخالفة نص من نصوص الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر مجمع عليه من الصحابة فمن بعدهم. الشيخ ربيع de dire ce qui est obligatoire à la communauté, c'est qu'il doit suivre, que la communauté doit suivre le livre et la sunna. Il est permis à personne, il n'est permis à personne, hein, d'être en divergence volontairement avec un texte du livre et de la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est un point sur lequel il y a l'unanimité des nobles compagnons et ceux qui sont venus après eux. Il dit, لكن هناك حالات يعذر فيها المجتهد المخلص الجاد في طلب الحق إذا خالف نصا وانطلاقا من هذا المنهج كان يرجع الصحابة عن أخطائهم والعلماء عن أخطائهم ومنهم من رجع أبو يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة عن ثلث أو ثلثي المذهب بعدما تبين لهم أن الخلاف في خلاف مذهب أبي حنيفة. Et il dit, حفظه الله, mais il y a des situations dans lequel le digne de l'effort d'interprétation, l'intègre digne de l'effort d'interprétation, le sincère qui fait des efforts à chercher la vérité, et il est excusé quand il tombe en divergence avec un texte. Partant de ce point et partant de cette voie, les nobles compagnons revenaient sur leurs erreurs. Les hommes de science revenaient sur leurs erreurs. Et partant de là, Abu Yusuf ainsi que Mohammed ibn al-Hassan, les plus gros disciples et les plus grands élèves d'Abu Hanifa ont délaissé le tiers ou les deux tiers de l'école d'Abu Hanifa et de l'opinion d'Abu Hanifa parce qu'il leur a apparu que la vérité est tout à fait autre que les positions qu'avait Abu Hanifa. Rahmatullah al-Jamir. Wa qala hafidhahullah al-Shafi'i يرى أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الأخذ به ولهذا قال وإذا لم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب لأن هذا من الجنون والعياذ بالله وفعلا الذي يتعمد مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنون قد يخالفها جهلا منه يعني ما بلغته فهذا يعذر وإن كان من كبار العلماء لأن السنة ما أحاط بها أحد ومن هنا يقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي وهذا يقول احتياطا لما لم يبلغه من الأحاديث لأنه لم تبلغه كل الأحاديث فقد يفوته بعض الأحاديث أو يقف على حديث إسناده ضعيف والإسناد الضعيف لا يحتج به ولا سيما في الحلال والحرام فيعلق الأمر على الصحة فإن كان الحديث صحيحا فلا يمكن أن يخالفه الشافعي إذا بلغه فإذا خالفه فليشهد عليه الناس أن عقله قد ذهب ومعنى هذا أن من عنده عقل وإيمان صادق لا يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخالفها إلا سخيف العقل أو مجنون والعياذ بالله يكون متبعا لهواه لأنه إذا خالف الحديث الصحيح اتبع من؟ اتبع الهوى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Et il dit, Havidallahu ta'ala, Shafi'i voit quand le hadith est authentique qu'il est obligatoire de le mettre en application. Et c'est pour ça qu'il dit, si je ne mets pas le hadith authentique en application, sachez que ma raison est partie, que j'ai perdu la raison. Cheikh Rabi, il dit, ceci fait partie de la folie de perdre la raison. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et il dit, réellement, celui qui volontairement se met en divergence avec la sunna du messager alayhi salatu wassalam, c'est un fou. Il dit, il peut être en divergence avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam par ignorance. Dire que la sunna, il l'a pas connue. Hein, il n'a pas connu le hadith qui stipule cette sunna. Dans ces cas-là, il va être excusé, même s'il est parmi les grands hommes de science, car ce que personne n'a cerné la sunna, toute la sunna du messager alayhi salatu wasalam. Il dit, partant de là, Shafi'i, il dit, quand le hadith est authentique, c'est ma voix. Il dit ça, l'imam Shafi'i, il le dit par précaution, hein, par rapport au hadith qu'il n'a pas eu, et qu'il n'a pas connu, car il n'a pas eu connaissance de tous les hadiths. Certains hadiths lui ont échappé. Et peut-être même qu'il va avoir un hadith dans les mains et la chaîne de transmission de ce hadith il est faible. Et quand la chaîne de transmission du hadith est faible, on ne le prend pas comme argumentation dans le halal et dans le haram, dans le licite et l'illicite. Et donc, et il remet la situation à quoi? À l'authenticité du hadith. Mais si le hadith est authentique, l'imam Shafi'i ne peut pas être en divergence avec un hadith authentique. Et s'il se met en divergence avec un hadith authentique, il a pris les gens comme témoins comme quoi sa raison est perdue, qu'il a perdu la raison. Cela veut dire, dit Cheikh Rabi', que celui qui est doué de raison et qui a une foi véridique ne va pas rentrer en divergence volontairement avec la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Ne rentre en divergence avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam que quelqu'un qui a perdu la raison, ou dont la raison est faible, ou alors il est fou que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, ou alors il suit ses passions, car si il tombe en divergence avec le hadith authentique, il suit quoi? Cheikh il dit, il suit ses passions, il cite le verset, hein, dont la traduction approximative nous dit ceci, qui est plus égaré que celui qui suit par ses passions sans preuve, venant min Allah. يقول الشيخ حفظه الله طبعا للأئمة خلافات لبعض الأحاديث الصحيحة لكن ليس ذلك منهم تعمدا ولكن ومن ظن أن عالما من أئمة الإسلام المعتبرين عند الأمة ولهم قدم الصدق في الإسلام أو اعتقد فيهم أنهم يتعمدون مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا قد أساء إلى الإسلام وإلى المسلمين لا يجوز أن يظن بهم هذا. Il dit, Hafidahullah, naturellement, les grands imams ont une divergence avec certains hadiths authentiques. Mais ceci n'a pas eu lieu volontairement. Et celui qui croit qu'un homme de science parmi les grands imams de l'islam qui sont considérés dans cette communauté a fait, va chercher la divergence volontairement avec les textes, hada, ces grands imams qui ont œuvré pour l'islam et pour la sunna, celui qui croit en eux qu'ils vont volontairement à la divergence avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, celui-là a fait du mal à l'islam et aux musulmans. Il n'est pas permis de croire ceci concernant les grands imams de cette communauté. يقول ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله في هذه القضية كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام وجاء فيه بأعذار للأئمة في الأحاديث التي خالفوها وهذا كله انطلاقا من قوله من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد هذا في المجتهد المخلص الصادق وأما المتبع لهواه فهذا إنما يتبع هواه. Il dit, c'est pour ça que Cheikh l'Islam, le Taimi rahmatullah alayhi, a écrit à ce niveau-là, à ce sujet-là, un livre qu'il appelait Raf'ul Malam anil Aimmatil Alam. C'est-à-dire, le livre, on peut le traduire, c'est-à-dire l'excuse donnée aux grands imams, c'est-à-dire concernant les divergences qu'ils ont eues avec les textes. Et Cheikh l'Islam a amené les excuses légiféré pour ces grands imams, qui sont tombés en divergence avec certains hadiths. Et tout ceci, partant de la parole du messager, alayhi salatu wassalam, du hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, qui a dit, quand le hakim, c'est-à-dire l'homme de science, le juge, etc., digne de l'effort d'interprétation, s'il fait un effort d'interprétation, et qu'il l'a eu dans le mille, il aura de récompense. S'il tombe dans l'erreur, il aura une récompense. Et ça, ça concerne, dit Cheikh Rabir, le digne de l'effort d'interprétation sincère, véridique. Quant à celui qui suit ses passions, à celui-là, il ne fait que suivre ses passions. يقول لهذا يجب أن نفرق بين أئمة السنة المشهود لهم بالسنة والإمامة في الدين وبين أهل الأهواء. أهل الأهواء يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة، والأئمة الأعلام الراسخون في العلم المجتهدون بحق، هؤلاء لا يخالفون ولا يتعمدون مخالفة نصوص الكتاب والسنة رحمهم الله. Il dit رحمه الله وحفظه. C'est pour ça que Cheikh Rabi' dit, Habidallah, c'est pour ça qu'il est obligatoire qu'on fasse la différence entre les imams de la sunna qui sont reconnus être les imams de la sunna et qui ont l'imama dans la religion et qui sont les grands hommes de science dignes de ce nom. Il faut qu'on sache faire la différence entre eux et les gens de l'innovation. Les gens de l'innovation vont aller volontairement à se positionner en divergence avec le livre et la sunna. Quant aux grands imams qui ont la science et qui sont dignes de cette science, qui sont les dignes de l'effort d'interprétation réellement, ceux-là ne vont pas se mettre en divergence volontairement avec un texte du livre ou de la sunna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde et nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Wa subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa sallallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.